Non mais le pourquoi, mais on s'en fout, mais ceux qui répondent correctement à la question, qu'on fasse un débat potable, parce que pour l'instant on part bien, on est déjà à 1h56, à 6000 heures. À 0h56, c'est ce que j'aime dire. Non, ça dit 1h.